Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble jusqu'à 23h pour une nouvelle émission en différé, enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine. Une émission dans laquelle on vous propose quand même du contenu inédit et toujours de qualité. Et ma foi, une petite palette de nouveautés pour cette nouvelle émission. On retrouvera les Lituaniens de Au-dessus, les Australiens de Beyond Mortal Dreams, de la nouveauté française avec notamment Mudvisor, et voilà, d'autres nouveautés qu'on vous égrènera tout au long de cette nouvelle émission. Et bien, émission qu'on va commencer tout de suite, musicalement parlant, avec tout d'abord les vétérans du... C'est super chiant de dire death moderne quand on a un groupe qui a 35 ans de carrière. Ils ont un des groupes pionniers de ce qu'on appellera le death moderne au sens très très large, hein, puisque Meshuggah, il y a du death dedans, mais c'est aussi un des groupes précurseurs et pionniers du style djent. Voilà, ils sortent là leur 9e album studio. Le précédent était sorti en 2016. Là, on est sur un 13 titres d'un peu plus d'une heure de musique. Meshuggah, le nouvel album s'intitule Immutable, et d'ailleurs il a fait une très très grosse entrée dans les charts un peu partout à travers le monde. On s'écoutera le morceau The Abysmal Eye, et en doublette avec Meshuggah, Corpsest. Bon, là on est sur du death sans concession, hein, ça nous vient de Finlande. Succumb to Rot, c'est le nom de ce nouvel effort studio pour Corpsest. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est dans une inspiration musicale death crasseux à la sauce Dismal Incantation et autres Father B Fold pour côté ricain, avec quelques relents même doumisants. Voilà, les présentations sont faites pour la première doublette de ce soir. Ah non, pardon, Corpsest, on s'écoutera le titre Calling Void. Bienvenue dans l'émission, et c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, encore des vétérans cette fois venus d'Angleterre, Satan, le vieux groupe de heavy anglais. Ils sortent là leur sixième album studio, le quatrième depuis leur reformation qui date de 2011. Voilà, le groupe était surtout avant ça actif dans les années 80. Y a rien de neuf, c'est pas ouf dingue musicalement, mais ça reste super efficace, et puis on est sur des icos expérimentés, hein. Un visuel signé une fois de plus Liran Cantor, et voilà, ce qui permet de poser une trame visuelle album après album depuis le retour du groupe. Et ensuite nous aurons les Allemands de The Spirit, le groupe de Black Death. C'est une nouveauté pour ce soir. Death Spirit, musicalement, on les rapproche d'un Toolkandra, hein, les autres Allemands bien connus dans le style qui nous font du Black Death un peu mélo. Là, on est même sur une touche un peu prog, et des morceaux qui font entre 5 et 8 minutes, et du Black Death mélodique à la sauce suédoise, coucou dissection, hein, Laura ne plane jamais très très loin derrière, au-dessus même. Et voilà pour la présentation de la doublette à venir. Satan, le titre Ascendancy, extrait de leur nouvel effort Earth Infernal. Et ensuite The Spirit, l'album ne sortira que le 29 avril, s'intitule Of Clarity and Galactic Structures. On s'écoutera le morceau Celestial Fire. C'est parti. Ibérique pour la suite, tout d'abord le groupe de Brutal Slam Death portugais Analepsy qui sort enfin son nouvel effort studio intitulé Quiescence. Après de grosses galères de line-up, la formation s'est enfin stabilisée, une sortie toujours signée Miasma Records. Un titre, ma foi, assez efficace et plutôt frontal par rapport au reste de l'album. Encore une fois, l'évolution du groupe tend vers quelque chose d'assez proche d'un Wormed. Et ensuite, les Espagnols de Crizix, le groupe de trash un peu déjanté qui sort ce nouvel effort studio Full HD, toujours dispo sur le label français Listenable Records. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'album Analepsy Crizix, c'est parti. Thank you. what I can't. I cannot find it anywhere. I can't. Hey man, do you know why? Because everything makes me sick. I am TV, I hear radio, focus, every silent my voice, hitting fitness, hitting fast, look how my people's broken like this. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du 93.6 sur les ondes de Radio Béton le dimanche soir. On enchaîne tranquillement l'émission avec maintenant Aluna, groupe de doomstoner anglais avec une vocaliste. Le groupe a vu le jour en 2008. C'est productif comme formation. Musicalement, on est sur un stoner un peu fuzzy, assez hard rock dans l'approche. Donc ça, c'est une base stoner heavy assez dynamique. Et en doublette avec Aluna, pardon, Incandescence. C'est vrai que la dernière fois, je l'ai prononcé à l'anglaise, mais en fait, c'est un groupe de black québécois. Donc du coup, on va le prononcer à la française. Ils sortent là sur mon quatrième album studio, à peu près un tous les trois ans. Hein, c'est plutôt bien rythmé. Le line-up s'est monté autour de Philippe Boucher, qui est accessoirement depuis 10 ans le cogneur dans Beyond Creation. Voilà, c'est le multi-instrumentiste de Beyond Creation, et puis il a un guest, on va dire, semi-permanent pour les parties vocales. Et donc voilà, forcément, avec Mister Boucher derrière les fûts, les parties de batterie de Incandescence sont plutôt fumeuses, on va dire. En doublette, donc Aluna, le titre Silver, extrait du nouvel effort studio Strange Machine. Incandescence, le morceau Avilissement, extrait de l'album Le Cœur de l'Homme. C'est parti. Yeah. On continue à dérouler tranquillement l'émission pour ce soir avec maintenant Undeath, jeune formation qui nous vient des États-Unis, active depuis 2018. On est sur du death signé Prosthetic Record, du death à l'ancienne de la scène death ricaine, hein, je tiens à le préciser. Dans les grosses influences, on a notamment Cannibal Corpse et Morbid Angel. Les morceaux sont assez tubesque, puisque bah, tout comme Cannibal, on est sur du riff bien accrocheur et bien groovy. Donc voilà, Undeath, c'est une plutôt bonne découverte, et puis c'est une des nouveautés de l'émission de ce soir. Et on va se mettre une autre nouveauté par la suite, Hyperia. Pareil, ça nous vient du continent américain, mais cette fois d'un peu plus haut, du côté de Calgary, au Canada. On est sur du trash assez musclé, presque trash death, avec cependant une bonne dose de heavy, presque speed, et c'est une vocaliste qui emmène le groupe, et au niveau de sa palette vocale, c'est vraiment très intéressant, puisque bah, c'est extrêmement riche. On a un étalage de Sabine Sklassen, donc de Holy Moses, à la vocaliste dont j'ai mangé le nom, de Crystal Viper, donc des intonations limite extrêmes death black, et des bons heavy screams bien haut perché ponctuellement, et musicalement bah, ça tabasse royalement. Hyperia donc en doublette avec Undeath, on s'écoutera le morceau Necrobionics, extrait de l'album It's Time to Rise from the Grave. Hyperia, l'album s'intitule Silhouette of Horror, et on s'écoutera le titre Severed. C'est parti. We'll be right back. Et on attaque tout de suite l'aspect française avec une doublette en ouverture ultra qualitative. Tout d'abord, Despel Omega, le cultissime groupe français qui nous sort The Long Defeat, un album qui arrive encore, après toutes ces années, à surprendre et à séduire. On s'écoutera le titre Edem Sed Aliter. Et en doublette, Dawol, la dernière pépite signée Dolorem Records. Dawol, musicalement, on en a déjà parlé les semaines passées. On est sur du Black Net Brutal Death qui nous vient d'Alsace. Ils sortent là leur tout premier album, 8 ans après un tout premier EP. Et qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du line-up ? Et bon, on a notamment monsieur Thomas Henkin qui frappe chez Merrimack et Ritualization. Voilà, du death ultra qualitatif made in France une fois de plus. Avec juste avant ça du black avant-gardiste ultra qualitatif Despel Dawol. Et ben Telos Immanent Orthogenesis, c'est bien ce qui me semblait, j'avais oublié de donner le nom du titre de Dawol, extrait de leur nouvel effort studio Léviathan. C'est parti.